Ici c'est 13 mars, ça tourne autour des belles femmes. Du touriste à l'affût du guet de son sac. Finir comme Lucas, tu veux Marseillais, tu es. En conséquence tu resteras qu'un dynaste comme tous ces Marseillais. Leader dans l'imbracré, chacun sa propre armée. On livre au quotidien des duels. C'est la rue, faut être plus fort que l'autre. Plus fort que soi, on reste plus haut que l'autre. Le crime a pris d'ampleur, le meurtre par séquestrage est plus banal qu'une poursuite ou bien gros braquage. La valeur humaine est sous enchère. Où le gérant se bat sur ses vendeurs et s'accroît sur ses consommateurs. Le bon, le commercial fait la joie des exportateurs. Pendant ce temps ici ça le corrompt. Ça tue, ça décompose une famille, fait le bonheur du ghetto. On a nos codes et nos principes, on ne sert pas la patte. On black pense, blême pas, les sous-tons on se balance pas. On parle au notre combat, pas à pas contre l'État. Mais cette pute de Maria n'a fait que nous être à l'écart. On est là au quart de tour, on sort le fusil en cas de coup. Je te casse pas la tête chez nous, on forme nos coups. Quand je viens, on débrouille comme on peut, on débrouille comme on veut. Et malgré ce vacarme, on croit encore un jeu. Alors il est temps de dire aux flics d'arrêter leur poursuite. Car ces fils de pute savent que dans nos rues on fait du profit. Y'a des mecs en cavale comme Sophie. Alors donne pas le nom ton camarade au bout du fil. Au fil du temps j'ai vite compris qu'il fallait faire du fric. Car cette rue de Marianne reste une bombe à fric. Je ne crois que c'est elle qui a dévalisé l'Afrique. Elle s'étonne pourquoi on prend encore des risques pour s'en sortir. Tu peux toujours chercher la faille, car chérie c'est toutes ces racailles. Composés comme des milices, ta valeur c'est tous les peuples qui se mobilisent. Explicite dans nos propos, on n'est pas bon qu'à vendre la popo. Exploité en porte-fardeau de la jeunesse, encastré dans les ghettos. C'est fragile là où on préfère vivre le soir. Tout le monde s'appelle gros, peu importe le poids. Où des cœurs respectent l'ordre, peu importe la loi. Là où tout le monde dit Inch'Allah, peu importe la foi. C'est la rue, tu la connais, j'ai pas t'en faire un dessin. Je connais des routes, c'est dur pendant que toi t'avais pas de dessert. C'était pas les mêmes sanctions, bon c'était pas les mêmes actions. J'aurais pas eu les corrections, mon frère, j'étais pas le même garçon. Poto, j'espère que t'es un gilet pare-pas. Ça met des tarés de mjomba si tu parles mal à daronne. Tu respectes pas le daron, ou si tu vois ton petit frangin prendre un bout de marron. Tu nous as plein, mais pas trop, arrêtez vos blabla. Cessez de jouer les dingues, des dingues, emballez vos pare-balles. Comme un aimant, on a tiré par la rue. Ça tellement jeté trop de carpoix qu'on a attrapé. L'avenir de mes proches est compromis. Faut que je carbure pour accéder à la terre promise. Fini le boycottage, c'est l'heure de la révolte. Le rap en prend otage et c'est l'heure de la récolte. Frère, là que je viens, que ce soit dans le légal ou l'illégal, on a fait un sou. Alors c'est décidé, on va dépouiller tous ces pics sous. On avance droit, l'amour qui risque d'être dans le cœur. J'y vais par banane, juste de corps, poussé par la force de l'or. On rêve de rouler en peine, squatter les diables, prenez la danse dans cette cadence infernale. On veut de la maille en grosse peine, si possible sans grosse peine. Éviter le tribunal, nique l'État et tout ce style. Le constat fait qu'on se tire, le désordre se multiplie. Toujours avec la manche et les couilles, la chance et la débrouille. La classe de GPS, ça fait du 13 précisément du 14e. Busserie. Tu peux toujours chercher la faille, car chérie c'est toutes ces racailles. Composés comme des milices, ta valeur c'est tous les peuples qui se mobilisent. Explicite dans nos propos, on n'est pas bon qu'à vendre la popo. Exploité en porte-fardeau de la jeunesse, encastré dans les ghettos. Le point de vue du quartier, celui des gars écartés du système, ceux qui dans les ghettos sont castrés. Proto, yeah, Favela Serine, c'est 5 types. Yugi, Pate le Snake, Tener, Phoenix, Machu, ça part de là, poto, du Serine, Senko, Favericord, Jamila, sois mon Platy, notre premier scud, poto, et ne rate d'autres, Chala, ça part de là, c'est qu'une balle à blanc celle-là, la prochaine elle est pour tuer, gros, un appel qui croyait en nous, d'autres pas. On va tous y mettre d'accord. Ça part de là, ça va payer un jour.